إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله donc on commence aujourd'hui le cours 33 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala wal Bara fi al-Kitab wa al-Sunnah, la réalité de al-Wala wal Bara dans le Coran et dans la Sunnah. C'est un livre écrit par le Cheikh Issam ibn Abdullah al-Sinani et il a été relu et préfacé par al-Cheikh al-Docteur Salih ibn Fawzan al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc on est arrivé dans le livre. Aujourd'hui, c'est le cours 33. Comme je disais, c'est le cours 33. Et on est arrivé dans le chapitre, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 7, ou le point numéro 7, Asbab al-Inhiraf fi fahmi aqidat al-wala wal-bara. Donc on a expliqué certaines raisons pour lesquelles certaines personnes se sont déviés ou ont dévié dans la question de Al-Wala ou Al-Bara. Et on a donné des exemples de ça, et le Cheikh il avait divisé les gens en trois catégories. Il a clairement défini le premier groupe, puis ensuite le deuxième groupe, puis maintenant on est toujours dans le troisième groupe. Donc on a expliqué ça depuis le cours 31. Depuis le cours 31, on a commencé à parler de ce chapitre. Là, on va terminer aujourd'hui avec certaines citations de certains des ulama pour continuer à clarifier la catégorie numéro 3, c'est-à-dire ceux qui ont eu des erreurs de compréhension et qui ont dévié par rapport à la compréhension de Al-Wala Al-Bara et qui ont exagéré dans cette catégorie-là, comme les Khawarij. Et on a expliqué qu'une des premières voies par lesquelles ils ont dévié, c'est parce qu'ils se sont basés sur des textes du Coran et de la Sunna, qui sont des textes absolus, généraux, et ils ne les ont pas ramenés aux ulama pour comprendre leur signification et comprendre les conditions et les règles et les détails qui sont reliés à ces textes. Et donc, étant donné qu'ils n'ont pas compris ces textes-là correctement, à la manière des salafs, eh bien, ils sont tombés dans le takfir et dans l'exagération à cause de ça. Donc, c'est à cause de leur mauvaise compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Ça, c'est la première façon comment ils s'égarent. Et deuxièmement, c'est leur mauvaise compréhension des paroles des ulama dans les livres, parfois. Donc, tu vas voir parfois certains takfiriyins, ou certains parmi les Khawarij, ils essaient de prouver qu'ils ont raison dans le takfir qu'ils font et dans leur égarement en essayant de ramener des paroles des ulama salafiyin, et dans les paroles des grands shuyukh comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres parmi les ulama. Donc ils essaient de citer ces savants-là pour justifier leur position. Et tu vois que la conclusion de leur position est complètement opposée à la conclusion des ulama qu'ils citent. Donc, par exemple, ils vont essayer de prouver qu'ils peuvent faire le takfir, puis ils peuvent faire le djihad, puis ils peuvent faire des attentats terroristes. Donc ils se basent sur des paroles des ulama pour justifier ça. Et quand tu regardes les fatwas des ulama sur ces sujets-là, tu vois que les ulama, hein, ils font des fatwas qui montrent que ça, c'est des choses qui sont interdites ou qui sont incorrectes. Et que les gens qui font ces actions-là sont des khawarij. Hein? Donc comment eux, ils peuvent utiliser les paroles de ces savants-là pour essayer de justifier ce qu'ils disent, ce qu'ils croient et ce qu'ils font? Et alors que ces mêmes savants-là, vers qui ils retournent ou vers qui ils prétendent retourner, eh bien, font des fatwas claires et explicites sur ces sujets-là qui montrent que yani, leur position est contraire à la vérité et que leur position, yani, la position de ces gens-là, c'est la position des khawarij. Donc, ils ne peuvent pas utiliser les paroles des ulama pour justifier ce qu'ils veulent, à moins qu'ils essaient de prendre seulement des parties des paroles des ulama et de couper yani, les citations pour faire dire aux chouyours qu'est-ce qu'ils veulent, ou bien qu'ils prennent des paroles et des textes, comme le cheikh il le dit ici, ils prennent des paroles et des textes des ulama qui sont des paroles, des citations générales, hein, qui ne sont pas détaillées, et ils les prennent dans le sens absolu, puis ils essaient de les utiliser pour appliquer sur des individus, pour essayer de justifier des actions. Et parfois même, ils vont se référer à des fatwas, des grands ulama comme Cheikh Ibn Taymiyyah et des savants qui sont déjà morts depuis des siècles, et ils essaient de prendre ces fatwas-là et essayer de les appliquer dans des situations et dans des circonstances aujourd'hui à notre époque, et ils ne tiennent même pas compte des différences qui existent dans les paramètres sur lesquels les savants se sont basés à ces époques-là pour faire ces fatwas-là. Et donc, quand les paramètres sont différents, la fatwa va être différente. Mais eux, ils ne prennent pas considération, ils ne prennent pas ça en considération. Hein? Et ils pensent que tu peux prendre la fatwa d'une époque et de la prendre, peu importe ses paramètres, et de la prendre telle qu'elle et de l'appliquer dans une situation, même si elle est différente et même si les paramètres de cette situation-là sont complètement opposés, eh bien, ils essaient de les prendre et de les appliquer directement. Et la raison de ça, c'est de leur ignorance et de leur passion. Hein, la raison de leur ignorance et de leur passion. Donc, ils tombent dans ce genre d'erreur-là. Ils ne connaissent rien au fondement de la sunna, au fondement des règles du fiqh. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, ils ne connaissent pas Al-Qawa'id al-Usuliyya. Et donc, ils rentrent dans les textes sans les comprendre. Ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Ils se pensent savants. Ils se prétendent savants. Et même qu'ils vont traiter les savants d'ignorants. Ils vont traiter les ulama d'ignorants, et ils les traitent d'hypocrites, et ils les traitent de kuffar, et ils les traitent d'agents des gouvernements, et ils les traitent de pions, et ils les traitent de yani, tous les noms pour les dénigrer. Pour quelle raison? Pour que eux puissent se mettre à leur place. Donc ça, c'est l'attitude de ces gens-là. Eh bien, alhamdoulillah, les choses sont claires par rapport à ça. Donc le cheikh, il donne des exemples par rapport à leur façon de mal interpréter ou de mal comprendre les textes et les paroles des ulama. On a cité au dernier cours les paroles du cheikh Sulayman bin Sahman, hein, dans cet exemple-là, et qu'est-ce qu'il a dit, hein, à son époque par rapport à certains extrémistes, comment ils avaient mal compris ces paroles, et la même chose avec les paroles du cheikh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hassan, lorsqu'il avait parlé de certains extrémistes à son époque qui prétendaient suivre la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et prétendaient être sur la même aqida que lui, alors que le cheikh a mentionné que le cheikh était innocent de leur aqida et qu'il n'était pas d'accord avec la aqida du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, puisqu'il contredisait la aqida du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et il faisait le takfir pour des choses qui ne sont pas kufr. Il déclarait les musulmans mécréants pour des choses qui ne sont pas kufr. Et c'est comme l'exemple, juste pour montrer un exemple ici de qu'est-ce qui se passe, on sait que maintenant, en ce moment par exemple, il y a une fitna en Égypte et dans d'autres pays arabes aussi. Eh bien, il y en a maintenant parce qu'ils ont vu des actions ou des choses qui se sont passées, par exemple que l'armée, on leur a tiré dessus, ils ont tiré sur des gens. Donc, ils se basent là-dessus pour faire le takfir. Ajib, comment tu peux te baser sur un exemple, par exemple, de quelque chose comme ça, par exemple, quelqu'un qui tire ou qui tue quelqu'un d'autre pour le déclarer kafir? Hein? Et il y en a d'autres qui ont dit oui, le fait qu'il y en a certains parmi ces ignorants, parmi ces égarés, parmi les takfiriens et les khawarij, ils ont dit le fait qu'ils tirent sur des gens, ça c'est la preuve qu'ils rendent le meurtre halal. Et donc ça, ça veut dire qu'ils deviennent kuffar. Yani, c'est comme si tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool dans la rue, tu lui dis, yani, parce que tu le vois boire de l'alcool, tu dis, ah, il boit de l'alcool, ça veut dire qu'il le rend halal, donc il est kafir. Ça, c'est exactement ça, le manhaj des khawarij. Ils rendent les musulmans kuffars à cause des péchés qu'ils font. Hein? Et ils disent, par exemple, bon, l'armée tire sur des gens, donc ça veut dire qu'ils rendent le meurtre halal, donc ça veut dire que ce sont des kuffars. Hein? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est de se baser sur un péché de quelqu'un pour déclarer qu'il l'a rendu halal, alors que si tu lui demandes, est-ce que tu es c'est halal ou haram, il va te dire c'est haram. Hein? Et il ne croit pas que tu es c'est, que tu es c'est halal. Hein? Et bien entendu, ils vont expliquer, probablement, ils vont dire, si on nous a attaqué, nous on riposte et on fait la même chose. Donc on se défend, ou on riposte pour yani, des choses de ce genre. Ce n'est pas parce qu'ils croient que tu es halal. Et il y a l'exemple de l'homme qui avait tué 100 personnes. Il a tué 99. Il est allé voir un adorateur, hein, un abid. Il lui a demandé, est-ce que j'ai une repentance? Il a dit non. Alors, il a complété 100 avec lui. Donc, il a tué 100 personnes. Après, il est allé voir un savant. Et il lui a demandé, est-ce que j'ai une repentance? Il a dit, oui, tu as une repentance. Il faut que tu ailles à tel endroit et que tu adores avec eux. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec ces gens-là qui habitent dans cet endroit-là, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour dire que le meurtre, c'est un péché parmi les grands péchés, parmi les kaba'ir. Hein, ça fait partie des plus grands péchés dans l'islam. Sauf qu'on ne va pas dire que quelqu'un qui l'a fait, qu'il est kafir, à moins qu'il le rende halal. Et qu'il le rende halal, c'est-à-dire qu'il l'a déclaré, il l'a déclaré halal avec sa bouche, après avoir eu la connaissance des preuves que c'est haram, et après il le rend halal, il le déclare halal ouvertement, alors là, dans ce cas-là, c'est l'istihlal. Mais le fait de faire le péché, c'est pas l'istihlal qui fait sortir de l'islam. Hein? L'istihlal al-amali, c'est pas qu'est-ce qui fait le fait de faire le péché en action, c'est pas ça qui fait sortir de l'islam, mais c'est de le déclarer halal verbalement. Comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué. Donc on commence maintenant avec un autre exemple de citation qui clarifie que ces gens-là, ces extrémistes, ont mal compris les paroles de certains des ulamas de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses élèves et de ses descendants. Donc il dit ici وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ اللَّطِيفِ وَعَبْدُ اللَّهِ الْعَنْقَرِي. Donc ça, c'est des citations qu'on a lues au début du livre, quand même. Au début de ce livre, on en a parlé de ça, on les a lues, ces citations-là. Mais le cheikh, il les répète ici pour clarifier encore. Donc, c'est une citation qui est tirée de Ad-Durar al-Saniya. Et Ad-Durar al-Saniya, je l'ai déjà dit, c'est un recueil des fatwas et des paroles du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, de ses lettres, de ses écrits, et de ses élèves et de ses descendants et des chouyours de la da'wa qui ont suivi par la suite. Donc tout ça a été recueilli dans un seul livre, dans plusieurs volumes. Hein, et donc, c'est un livre de référence parmi les livres de référence par rapport à la connaissance de l'islam et de la da'wa et du tawhid. Donc, beaucoup de takfiriens, ils essaient de se référer à ces livres-là sans comprendre réellement de quoi ils parlent et leur contexte, et ils prennent des citations parfois et ils essaient de les appliquer sur des situations actuelles sans comprendre la différence des réalités qui sont entre notre époque et leur époque et les différentes raisons pour lesquelles ces savants-là ont dit certaines choses dans certains contextes. Et c'est ça ce que des savants même à l'époque ont clarifié. Parmi eux, le cheikh, par exemple, Mohammed ibn Abdul Latif et le cheikh Abdullah al-Anqari, ici dans le volume 9 à la page 133. Il dit: Raddan ala al-ghulat al-muttahimin li a'immat al-da'wa fi zamanihim bil-mudahana. اعتمادا على بعض العبارات والألفاظ في كتب الأئمة. فقال: فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء، بل يعتمد على فهمه، وربما قال: حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني، وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. Donc le cheikh il commence à expliquer donc que les deux savants ont réfuté des extrémistes de leur époque qui accusaient les imams de la da'wa à leur époque de faire des compromis dans la religion et dans les fondements de la religion. Et ils se basaient pour faire ça ou pour dire ça, ils se basaient sur certaines expressions ou certains termes dans les livres des imams de la da'wa. Pour accuser les imams de les chouyoukhs de leur époque de mudahana, c'est-à-dire d'essayer de faire plaisir aux kuffars et d'essayer de faire des compromis dans les fondements de la religion. Donc tous les deux, les cheikhs, le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif et le cheikh Abdullah Al-Anqari, ils ont écrit pour clarifier ça. Ils disent: il est obligatoire à chaque personne qui est responsable, qui a atteint l'âge de puberté et qui est chargé maintenant des responsabilités de l'islam, de prendre sa religion de ceux qui sont ses défenseurs, de ceux qui sont ses savants. Donc il faut prendre cette religion-là des savants de l'islam, comme certains d'entre les salafs ont mentionné, comme par exemple Mohammed ibn Sirin. Il a dit: cette science c'est la religion, cette science c'est une religion, alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. C'est-à-dire, tu ne prends pas ta religion de n'importe qui. Et il dit ensuite: en ce qui concerne celui qui s'accroche à des termes dans leur sens apparent, des paroles des ulama vérificateurs, et qu'il ne les ramène pas ces paroles-là aux ulama pour les comprendre, mais qu'il se base sur sa propre compréhension à lui, et peut-être même qu'il va dire: notre preuve, c'est le livre Majmu'at al-Tawhid, ou bien la parole de tel ou tel savant. Et il ne sait même pas ce que ce savant a voulu dire par cette parole. Alors ça, c'est de l'ignorance et de l'égarement. Et ça, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui de la part de ces takfiriens et de la part de ces djihadis et d'autres catégories de khawarij aujourd'hui. Ils vont essayer de citer des paroles de tel ou de tel savant dans tel ou tel livre, sans même comprendre correctement la réalité de ces paroles-là. Ils se basent là-dessus pour essayer de faire le takfir et de déclarer les savants kuffars et les dirigeants kuffars et ainsi de suite. Après, le cheikh il dit: وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَعْظَمَ الْكَلَامِ وَأَصَحَّهُ كَلَامُ اللَّهِ الْعَزِيزِ فَلَوْ قَالَ إِنسَانِ ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. فإذا لم يأخذ العام عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة خبط خبط عشواء وتاه في وادي جهالة عمياء. Donc le cheikh il répond et il clarifie, il dit: on sait très bien que la meilleure et la plus grande des paroles et la plus authentique, c'est la parole d'Allah le Tout-Puissant. Et si un individu disait, ou si un homme disait: on ne prend que le Coran, hein, et qu'il s'accrochait à des sens apparents de certains mots ou de certains termes dont il ignore la signification, ou bien qu'il essayait de les interpréter, hein, et de leur donner une autre signification que ce qu'il signifie réellement, eh bien, dans ce cas, il aurait imité l'attitude des Khawarij al-Mariqin, hein, ceux qui ont sorti de la Sunna, ceux qui ont sorti de l'Islam, al-Khawarij. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les Mariqin, hein, ceux qui sortent. Eh bien, s'il avait agi de cette façon-là, il prend le Coran seulement, il ne prend pas la Sunna, et il prend les versets ou les termes, hein, des mots, selon sa propre signification. Hein, ou bien il ignore qu'est-ce qu'il veut dire, alors il les déforme selon sa propre compréhension. Donc le cheikh il dit, si ça c'est le cas, hein, que celui qui agit comme ça il imite les khawarij, alors que dire de celui qui, hein, si ça c'est le cas de celui qui se limite au Coran et qui ne prend pas la sunna, alors que dire de celui qui se base uniquement sur des termes qu'il trouve dans des livres, de paroles de gens, hein, ou de ulama, et dont il ignore la signification. Et il ne sait pas ce qui est voulu par ces termes et par ces mots. Hein? Et le cheikh il dit, et également dans les livres. Fafiha min al-ahadith. Dans les livres en question, il y a également des hadiths. Hein? Il y a des hadiths. Et parmi ces hadiths, il y en a qui sont authentiques, il y en a qui sont faibles. Hein? Si quelqu'un n'est pas un savant, il lit ces livres-là. Et il ne sait pas lequel de ces hadiths est authentique ou non. Comment il va faire pour savoir, hein? Donc c'est pour ça que tu vois ces gens-là, yani, subhanallah, ils connaissent pas l'ilm. Ils n'ont pas étudié l'ilm avec les ulama. Donc ils rentrent dans des livres, ils trouvent des hadiths, hein? Et ils vont par exemple parler du hadith, ils vont dire, ah mais Cheikh Al-Albani il l'a authentifié. Alors qu'en même temps ils sont en train d'accuser Cheikh Al-Albani d'être un murji, hein? Ou bien d'être, même de l'accuser, même parfois d'être un kafir. Alors que quand ils ont besoin d'authentifier un hadith, ils retournent à Cheikh Al-Albani. Hein? Parce que ce sont des ignorants, ils ne connaissent pas la science. Donc ils prennent des livres et ils trouvent des hadiths dedans, ils ne savent pas si c'est authentique ou faible. Alors ils retournent, hein, à des savants qu'ils rejettent eux-mêmes, hein, pour authentifier. Donc ils ne savent pas le sahih et le da'if. Et des fois, ils se basent sur le da'if, justement, pour prouver des points qui sont, hein, pour prouver des points qui sont faux. Et après, il y a aussi al-mutlaq wal-muqayyad. Hein? Al-mutlaq wal-muqayyad. Al-mutlaq, c'est qu'est-ce qui est absolu. Et al-muqayyad, c'est qu'est-ce qui est restreint, qu'est-ce qui est limité. Hein? Et qu'est-ce qui est âme et khas, qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est particulier. Et qu'est-ce qui est nasikh et qu'est-ce qui est mansoukh? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est abrogeant et qu'est-ce qui est abrogé? Dans les textes, il y a des choses comme ça. Hein? Et c'est seulement les ulama qui connaissent ça. Hein? Et qui savent comment ça fonctionne et comment ça s'applique. Hein? Donc, le cheikh, il dit, si le musulman du commun ne prend pas sa science des ulama qui savent critiquer et analyser ces questions-là, hein? Ceux qui connaissent les hadiths de la même manière que le spécialiste des métaux, comme celui qui connaît la valeur de l'or et de l'argent, et qui sait reconnaître les vraies pièces d'or et les vraies pièces d'argent, hein? Quand il les voit, il les touche et il fait certaines choses, il sait comment reconnaître les pièces, et il sait reconnaître les pièces qui sont fausses ou forgés, et les pièces qui sont vraies, des vraies pièces d'or et des vraies pièces d'argent. Donc les savants de hadith, ils sont spécialistes du hadith de la même manière que cette personne qui était spécialiste des pièces d'or et des pièces d'argent. Il sait comment reconnaître les vrais et les faux, il connaît la science qui est reliée à ça. Donc celui qui ne se réfère pas parmi les gens du commun à ces savants-là, eh bien il va se mélanger complètement, il va être dans la confusion totale. Et il va se perdre dans les vallées de l'ignorance aveugle. Ça, c'est clair. Donc, le cheikh, il dit, إِذَا عَرَفَ هَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَغْنِي بِمَجْمُوعَةِ التَّوْحِيدِ عَنِ الْأَخْذِ عَنِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مُخْطِئٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّ سَبَبَ قَبْضِ الْعِلْمِ مَوْتَ الْعُلَمَاءِ. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوهم وأخذوا بفتواهم ضلوا وأضلوا عياذا بالله. انتهى كلامكم. Donc le cheikh il dit, donc celui qui pense que, hein, il dit maintenant qu'on a clarifié ça, donc on sait que c'est clair que la personne qui prétend qu'il peut se passer, hein, des ulama en se référant uniquement au livre de Majmu'at al-Tawhid, le recueil du livre de Tawhid, des livres qui ont des textes qui ont rapport avec le Tawhid, il dit moi je prends seulement des livres, hein, parce que étant donné que certains d'entre ces jeunes-là, ils ont fait le takfir de tous les ulama. Donc, ils n'ont plus de savants de référence. Hein? Et si tu leur demandes où sont les savants, et qui sont les savants à notre époque, parmi les savants vivants, ils vont te dire, il n'y en a pas de savants. Ou bien ils vont te dire, ils sont tous cachés, ou ils sont tous en prison, ou des choses comme ça. Donc, pour eux, il n'y a pas de savants. Hein? Si tu as besoin d'une fatwa, si tu as besoin de quelque chose dans ta religion aujourd'hui, dans ta aqida, dans tes ibadat, dans tes mu'amalat, hein, tu leur demandes, mais à qui je vais poser la question, vers qui je vais retourner, tu retournes au livre. Hein. Ça, c'est de l'ignorance. Et donc, le cheikh, il dit, celui qui pense qu'il peut se limiter à prendre d'un livre, comme Majmu'at al-Tawhid, hein, et qu'il peut se passer des ulama, parmi les ulama des musulmans, eh bien, il est dans l'erreur. Hein. Murti'un, il est dans l'erreur, c'est quelqu'un qui est dans l'erreur, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné qu'une des causes que la science sera enlevée, c'est la mort des savants, c'est la mort des ulama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les ulama vont partir, les gens vont prendre à leur place des têtes parmi les ignorants. Et ils vont leur poser des questions et ils vont prendre leur fatwa et eux vont faire des fatwas sans science. Alors ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les gens. Wal'iyazu billah. Donc c'est ça la réalité de ce qui se passe. Et c'est ça ce que ces gens-là sont en train de faire. Lorsqu'ils sont en train de renier les ulama et de les dénier, même parfois de se moquer d'eux et de les rabaisser et de les déclarer kuffar, hein, et de dire qu'on ne peut pas se référer à eux. Il y en a certains ignorants parmi eux, tu les vois et disent si un savant n'est pas en prison, c'est pas un vrai savant. Ou des paroles de ce genre. Ça, c'est, ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la valeur des ulama. Hein? Et c'est des gens qui ne connaissent pas la réalité des savants. C'est vrai que dans le passé, chez les salafs, tu remarques qu'il y a certains savants qui ont été emprisonnés. Mais regarde pour les raisons pour lesquelles ils ont été emprisonnés. Ils n'ont pas été emprisonnés parce qu'ils ont fait des coups d'État ou parce qu'ils ont parlé à renverser les dirigeants. Ou bien parce qu'ils ont fait de la fitna dans la société, hein, en critiquant les dirigeants ouvertement et publiquement, jamais. Hein, c'est pas pour cette raison-là que, s'il y a des, parmi les salafs, s'il y en a qui ont été emprisonnés, c'était pas pour ces raisons-là. C'était pour des raisons comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, hein, parce que il réfutait les gens de bid'a, il réfutait les soufis, ils réfutaient les asha'ira, et eux, parfois, même ces soufis et ces asha'ira, ils étaient des juges, hein, ils étaient des juges, et ils étaient des gens qui avaient une position dans la société, et donc, hein, ils détestaient Ibn Taymiyyah, et ils utilisaient tous les moyens qui étaient possibles pour eux, pour donner à Ibn Taymiyyah, rahimahullah, des problèmes, hein, et c'est à cause de ça que, à chaque fois, il était emprisonné. Jamais parce qu'il a contredit ou appelé à opposer les hukams, les dirigeants, jamais. Hein? Donc, au contraire, Ibn Taymiyyah, il appelait à écouter et à obéir les dirigeants dans le bien et à ne pas se révolter contre eux et à être patient lorsqu'un dirigeant était injuste et ainsi de suite. Et non, donc, on continue. Le cheikh, il dit, وأوضح من هذا رد هؤلاء الأئمة للفهم الخاطئ من قبل هؤلاء في مسألة الولاء والبراء خاصة ما صرح به الشيخ عبد العزيز العنقري لبعض هؤلاء في عصره ممن تتبع عبارات بعض أئمة الدعوة دون النظر في سياقها وفي من قيلت حيث قال رحمه الله في الدرر السنية وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة أو نحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ، ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق. Donc le cheikh il explique ici, il dit qu'il y a une réponse, une réfutation de ces extrémistes qui est encore plus claire et qui réfute cette compréhension erronée de la part de certains d'entre ces gens-là dans la question de Al-Wala ou Al-Bara en particulier. Et c'est le Cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Anqari yani rahimahullah, qui a explicitement mentionné cet exemple-là à propos de ces gens-là à son époque, parmi ceux qui avaient essayé de prendre certaines expressions de la part de certains des imams de la da'wah sans regarder leur contexte, sans regarder le contexte de ces paroles-là et à propos de qui ces paroles-là avaient été mentionnées. Et c'est là que le Cheikh Al-Anqari rahimahullah a dit dans As-Sunan Ad-Durar As-Saniyah, le volume 9 à la page 157, il nous est parvenu que parmi les choses qui vous ont causé des troubles ou de la difficulté dans la compréhension, c'est l'idée que le simple fait de côtoyer ou de fréquenter des kuffars et d'interagir avec eux et de faire des ententes avec eux ou des choses de ce genre, que ces choses-là rentraient dans Al-Mualat, le fait qu'ils venaient voir les dirigeants, que des kuffars viennent pour rencontrer les dirigeants et ainsi de suite. Et on voit ça même aujourd'hui de la part de certains parmi ces takfiriyin sur leur site ou dans des posts qu'ils mettent. Ils vont toujours poster par exemple des photos de certains dirigeants et ils vont les mettre par exemple leurs photos à côté d'un dirigeant des pays non musulmans. Donc ils vont prendre par exemple la photo d'un roi ou d'un prince ou bien d'un président d'un pays musulman et il le montre lorsqu'il est à côté d'un non-musulman, un chrétien ou un juif ou autre, et il fait une photo, ils ont été posés ensemble et il se base sur ça pour dire ah regardez, c'est des koufars, c'est des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même photo, ils sont ensemble sur cette photo-là ensemble, donc ça c'est la preuve. Yani, subhanallah, quelle personne est plus ignorante et bête que yani, pour se baser, pour faire le takfir d'un musulman sur une photo, yani, subhanallah. Parce que tu es dans une photo à côté de quelqu'un qui n'est pas musulman, ça veut dire que tu es kafir. Yani, subhanallah, ça c'est quelque chose d'étonnant et ça c'est quelque chose de grave. Parce que tu ne te bases pas sur ce genre de futilité et ce genre de choses pour prouver que yani, quelqu'un est kafir. Et ça, c'est l'exemple du takfir des Khawarij. Ils se basent sur n'importe quoi pour faire le takfir d'un musulman. Ils n'ont pas de respect. Donc, si tu es un chef d'État ou un président ou un dirigeant, tu dois rencontrer des chefs d'État de tous les pays. Ça, c'est pas surprenant. Et donc, si tu vas yani, faire des rencontres avec ces chefs d'État-là, est-ce que ça veut dire que quand tu t'assois avec eux ou que tu yani, as des rencontres avec eux, soit tu vas dans leur pays, ou soit eux viennent dans ton pays, que ça veut dire automatiquement que tu les rencontres, que tu deviens kafir, que tu les as pris pour alliés? Donc, celui qui pense ça, ça veut dire qu'il a suivi la compréhension des Khawarij. Donc, le cheikh, c'est ça ce qu'il est en train de mentionner ici. Vous avez cru que le simple fait de fréquenter des kuffars ou d'interagir avec eux et de faire des ententes avec eux, ou que le fait qu'un d'entre eux, par exemple, vienne voir le dirigeant dans le but de faire des ententes, dans le but de faire des rencontres, vous vous basez là-dessus pour dire que ça rentre dans le fait de prendre pour alliés les mouchriquins et de les prendre pour alliés de la manière qui a été interdite dans les versets et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être le cheikh dit, et il est possible que vous ayez compris cette chose-là en ayant lu par exemple des livres comme Ad-Dala'il, qui a été écrit par le cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Sheikh, ou bien d'un livre qui s'appelle Sabilun Najat, écrit par le cheikh Hamad ibn Atiq, Hein? Donc là maintenant le cheikh il va clarifier ça et répondre à ces égarés là et à ces ignorants. Et il dit فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين ساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء فإنه بحمد الله ظاهر المعنى فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم أو إظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. Donc ici le cheikh il clarifie. Donc il dit, il faut savoir premièrement pourquoi ces deux imams ont écrit ces livres. Hein? Le cheikh Sulayman ibn Abdullah ibn Sheikh et qui a écrit donc Ad-Dala'il, et le cheikh Hamad ibn Atiq qui a écrit Sabil al-Najat. Pourquoi ils ont écrit ces livres-là? Hein? Avant que vous commenciez à citer ces livres-là et à vous référer à ces livres-là pour faire le takfir des gens en prétendant qu'ils ont fait yani qu'ils ont pris les kuffars pour alliés parce qu'ils ont fait des choses comme des interactions et des yani des ententes avec les kuffars. Donc premièrement, on vous explique que la cause pour laquelle le livre Ad-Dala'il a été écrit, c'est parce que le cheikh Sulayman a écrit ce livre-là lorsque les armées turques ont attaqué le Najd à son époque. Et ils ont voulu complètement enrayer la religion de sa base, enrayer le tawhid de sa base. Et ils ont été aidés là-dedans par un groupe d'entre les gens du Najd, parmi les Bédouins et les gens de la ville. Et ils ont aimé voir ces gens-là avoir le dessus sur eux. Hein? Ils ont souhaité que ces gens-là aient le dessus, hein? Et qu'ils mettent fin à la da'wah du tawhid. De même que la cause pour laquelle le cheikh Hamad ibn Atiq a écrit le livre Sabil al-Najat, c'était lorsque les armées turques ont envahi les pays des musulmans. Et ils ont été aidés parmi ceux qui les ont aidés, comme on a dit, la même chose, hein, pour qu'ils puissent prendre le dessus sur plusieurs régions des contrées du Najd. Donc, le fait de savoir la cause pour laquelle un livre a été écrit, ça nous aide à comprendre la parole des ulama. Hein? Si tu sais pourquoi un livre a été écrit, ça t'aide à comprendre sa signification. Et le cheikh explique, il dit, donc, par la grâce d'Allah, la signification apparente, c'est que, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Par là, c'est que, qu'est-ce que ces savants-là ont voulu dire ici? C'est que, le fait de prendre les koufars pour alliés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es d'accord avec eux sur leur coffre, hein, sur leur mécréance. Qu'est-ce qu'ils ont comme mécréance? Toi, tu es d'accord avec eux là-dessus. Hein? Donc, si par exemple, tu rencontres un kafir et que Yannick, tu lui donnes la main, est-ce que ça veut dire que tu as pris le kafir pour allié? Non, parce que tu n'es pas d'accord avec lui dans sa mécréance. Hein? Et yani, tu te désavoues de sa croyance et de son kufr et de son shirk, hein? Et t'es pas satisfait de ce qu'il fait, de tout ce qui est contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Toutefois, si dans ton cœur tu aimes sa mécréance et tu aimes sa religion et tu aimes son kufr et que tu es d'accord avec ça, eh bien là, dans ce cas-là, il y a un problème. Hein? Parce que là, t'as été d'accord avec son kouf, alors là, dans ce cas-là, tu rentres dans le kouf, toi-même. Hein? Et le fait que tu leur montres de l'amour, hein, tu leur montres de l'amour par rapport à leur mécréance. Et que tu es d'accord avec eux et que tu les aides contre les musulmans dans leur kouf et dans leur shirk. Et que tu embellis leurs actions. Et que tu leur montres de l'obéissance et de la soumission dans leur mécréance. Donc tout ça c'est spécifique, hein? C'est pas laissé comme ça, d'être de façon générale, que tu vas juste donner la main à un kafir ou faire une photo avec lui, ça veut dire que tu automatiquement tu deviens comme lui ou que tu es d'accord avec lui, hein? Subhanallah. Même si c'était pas même si c'est quelqu'un qui est musulman, il fait une photo avec quelqu'un d'autre qui est, il y en a déjà, on sait que les photos c'est pas permis, mais hein, je dis ça juste par rapport à qu'est-ce qui se passe, parce que les journalistes et les médias, hein, les journalistes et les médias et les journaux, ils font des photos de tout. Même si on leur dit parfois qu'on veut pas qu'on soit photographié, eh bien ils prennent la photo quand même, hein, ils prennent la photo quand même sans écouter. Et de toute façon, même partout dans le monde c'est comme ça. Les médias, les journalistes, les photographes, ils prennent des photos des personnalités, des dirigeants, et ils mettent ça dans les journaux par la suite. Hein? Donc, si quelqu'un prend une photo de toi avec un musulman qui est pêcheur et qui fait des péchés, ou qui est une vedette, par exemple, dans la chanson ou dans le cinéma ou des choses comme ça, est-ce que ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'il fait, ce gars-là? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il chante ou qu'il fait des films? Hein? Alors que tu sais que c'est haram et que tu déclares que c'est haram et que tu te désavoues de ces actions-là? Non, ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Hein? Donc, si c'est le cas pour quelqu'un qui est musulman et qui fait des péchés lorsque tu es avec lui sur une photo, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec lui. Eh bien, la même chose, si on fait une photo avec un kafir, on te pose toi avec un ou bien si tu es un dirigeant, hein, on te pose toi avec un autre dirigeant qui n'est pas musulman, qui est chrétien ou juif ou autre. Hein? Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec lui sur sa religion, sur sa croyance, sur sa mécréance, des choses de ce genre. Hein? Sauf si tu es d'accord avec sa mécréance et son kouf et que tu aimes ça et que tu le défends pour sa mécréance, hein, dans le sens que tu dis oui, je suis d'accord avec sa religion elle est bonne, hein, c'est, je suis d'accord avec la Trinité, j'aime ça, je vais les défendre pour que les chrétiens aient le dessus sur les musulmans dans les pays musulmans et qu'ils, dirige et ainsi de suite, ça y a un problème. Parce que ça, c'est ça qui est kouf, d'être d'accord avec le kouf, d'être d'accord avec le shirk. Le shaykh, il dit, wa l'imam, waffaqahu Allah, lam yaqa' fi shay'in mimma dhakar. Fa innahu imam al-muslimin. Wa al-nadhiru fi masalihihim. Wa la budda lahu min al-tahaffuz ala ra'ayahu wa wilayatahu. Donc le cheikh il dit, l'imam, c'est-à-dire le dirigeant, que Allah lui donne le succès, il n'est pas tombé dans rien de ce genre de choses-là, de ce qu'on a mentionné. C'est-à-dire, le dirigeant, il n'a rien fait de ce qu'on a mentionné. Il n'a pas aidé les koufars dans leur kouf. Il n'a pas aidé les koufars dans leur shirk. Il n'est pas d'accord avec eux dans leur kouf et dans leur shirk. Et il ne leur a pas montré l'amour dans leur kouf et dans leur shirk. Hein? Il a fait des ententes avec eux, qui sont des ententes politiques, diplomatique, économique, et dans ces choses-là, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait avec les juifs, il l'a fait avec les chrétiens, il l'a fait avec avec des mouchriquins, il a fait des ententes avec eux, hein? Il a fait du commerce avec des juifs, il a acheté, il a vendu avec des juifs, et même quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé même quelque chose en gage chez des juifs en échange de l'argent pour pouvoir acheter des choses pour sa famille. Hein? Et quand il est mort, c'est son armure qui était encore laissée en gage chez un juif, hein? Justement. Donc ça, c'est pour montrer que de faire du commerce, de faire des échanges avec des juifs, il n'y a rien d'interdit dans l'islam à ce sujet-là. Mais il y a des gens, mettent des choses dans l'extrême et qui ne comprennent pas les principes et donc ils tombent dans le takfir à cause de ça. Hein? Et c'est une des choses pour lesquelles si tu vois les takfirines aujourd'hui, ils se basent sur des gens d'idées comme ça pour faire le takfir de l'Arabie Saoudite. Il y en a un dernièrement, Allah Musta'an, il m'a fait un... je discutais avec lui, hein, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps, et là, il a commencé à écrire des livres, Allah Musta'an, et là, il me parlait comme ça de ses idées, qu'est-ce qu'il pense, et quand il clarifiait des choses par rapport à l'Arabie Saoudite, il commence à me détailler une idée qu'il a dans sa tête de conspiration, de complot, conspirationnel, ainsi de suite. Allahul Musta'an. Et là, il commence à me dire, ouais, ces gens-là, ils ont des ententes, ils ont le pétrole, et ainsi de suite, et les États-Unis, et telle compagnie, et ils sont reliés avec les Juifs, et ainsi de suite. Et je dis, subhanallah, tu te bases sur des choses comme ça pour faire le takfir des gens. Et Ali, tu n'as aucune preuve, tu jettes le takfir, alors que c'est le seul pays au monde, un des seuls pays au monde qui applique la charia d'Allah, et dont les ulamas de ce pays-là défendent le tawhid et la sunna, et combattent le shirk et les bid'ah, et ils propagent le ilm partout, hein, dans le monde. Donc, comment, si tu fais le takfir de ce pays-là, après il ne reste plus d'autres pays que qui n'est pas dans le kofre ou dans le shirk si tu vas faire ça. C'est exagéré, hein, c'est de l'égarement. Et tu ne peux pas te baser sur des relations internationales, des relations politiques, des relations économiques pour faire le takfir des pays musulmans. Sinon, il n'y a pas un pays qui n'a pas de relation avec aucun pays kafir. Hein? On vit tous sur une seule planète. C'est sûr que tu dois avoir des interactions avec des kuffars, hein, d'une façon ou d'une autre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a eu. Hein? Donc si tu vas déclarer l'Arabie Saoudite kuffar, ça veut dire que tu dois déclarer même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas le déclarer kafir, a'udhu billah. Donc ça c'est grave, hein? C'est de l'égarement si tu vas faire ça, c'est clair. Donc le cheikh il a dit wal imam wafaqahu Allah, donc le dirigeant il n'a rien fait de ce qu'on a mentionné ici. C'est l'imam des musulmans, c'est le dirigeant des musulmans, et il regarde par rapport à ce qui ramène du bien et de l'intérêt pour les musulmans. Et il doit essayer de préserver, hein, ses sujets et sa population et ceux sur qui il a une autorité des pays étrangers. Hein. Et donc le cheikh il dit, « Wa cheikh rahimahumullah, wa al-mashaykh rahimahumullah, que cheikh Suleyman ibn Abdillah, wa cheikh Abdel Latif, wa cheikh Hamad ibn Atiq, إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم. Donc le cheikh dit, et le cheikh, les shuyukh, cheikh Suleyman ibn Abdullah, et le cheikh Abdel Latif, et le cheikh Hamad ibn Atiq, lorsqu'ils ont mentionné le fait de prendre pour allier les mushrikin, hein, de les se rapprocher d'eux, de les défendre, ils ont expliqué que al-muwalat, ça veut dire justement d'être d'accord avec eux dans leur mécréance, et de les défendre par rapport à leur mécréance, et de les aider par rapport à cela, et d'être satisfait et d'agréer leurs actions, c'est-à-dire leurs pratiques religieuses, leurs croyances de kufr, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit, vous, qu'Allah, hein, il dit, fa'antum wafaqakum Allah, raji'u kalamahum. تجدوا ذلك كما ذكرنا. Donc il dit, vous retournez à leurs paroles, hein, et vous allez trouver que qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est exactement ce qu'on vient de mentionner. قال الشيخ حمد بن عتيق فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ رحمهم الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا أن يكون يظهر دينه ولا يتولى المشركين. انتهى كلامه. Donc le cheikh il a expliqué, hein, et ça qu'est-ce qu'il dit ici, ça s'applique à nous, hein, il a dit, hein, que les deux cheikhs ils ont dit, le cheikh Hamad et le cheikh Suleyman, hein, le cheikh Hamad il a rapporté cette parole de Suleyman ibn Abdullah al-Sheikh rahimahumullah, et il a dit, c'est ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, celui qui se mélange avec les mushrikines et qui habite avec eux, hein, celui qui se mélange avec le mushrik, avec un, quelqu'un qui fait le shirk avec Allah, les mushrikin, et qui habite avec lui, il est comme lui. فَهُوَ مِثْلُهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ hein? Donc ça s'applique à nous, puisqu'on vit parmi les mushrikin, et on habite avec eux, on se mélange avec eux. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de celui qui fait ça, dans Sunan Abi Daoud, il est comme eux. Hein? من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. Hein? Donc il a dit le cheikh Sulaiman ibn Abdullah al cheikh, est-ce que ça veut dire quoi ce hadith? Si on regarde la compréhension des Khawarij, hein? Selon la compréhension des Khawarij, selon si on lit ce hadith là, celui qui se mélange avec le mushrik et qui habite avec lui, il est comme lui. Si on prend la compréhension des Khawarij de ce hadith, on devrait tous être des kuffars. Sans exception. Parce qu'on vit dans des pays non musulmans. Hein? Et, la plupart de ces takfiriyins, Allah al-Musta'an, ils quittent les pays musulmans pour vivre chez les kuffars. Ils vont vivre en Europe, ils vont vivre en Australie, ils vont vivre, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout. Hein? Ils quittent les pays musulmans pour aller vivre chez les kuffars et ils se sentent protégés chez les kuffars. Hein? Donc, Allah al-Musta'an, si tu comprends, si tu regardes ce hadith, tu vois qu'ils devraient, selon ce hadith-là, selon leur compréhension à eux, faire le takfir de leur propre tête. Hein? Allah al-Musta'an. Mais, c'est parce qu'eux-mêmes, ils considèrent les pays musulmans comme des pays de koufars. Hein? Même plus koufars que les pays musulmans, que les pays non musulmans, à la base. Donc, ça, c'est la déviation qu'ils ont dans leur compréhension et dans leur tête. Donc, selon la compréhension du cheikh Sulaiman ibn Abdullah et des ulama d'Ahl al-Sunnah, comment eux ils ont compris ce hadith là, c'est pas du tout la même façon que les Khawarij. Et ils font pas le takfir des musulmans de cette façon là. Le cheikh il a dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui habite avec le mushrik, et celui qui se mélange au mushrik et qui habite avec lui, il est comme lui, c'est dans son sens apparent. C'est-à-dire celui qui prétend être musulman et qui est avec les mushrikin, c'est-à-dire qui est réuni avec eux dans la défense, hein, dans le fait de défendre les mushrikin et d'habiter avec eux, dans le sens que les mushrikoun le considèrent comme un des leurs, alors il est comme eux, même s'il prétend l'islam, excepté s'il montre sa religion et qu'il ne prend pas les mushrikines pour allier, c'est-à-dire ils n'aiment pas la religion des mushrikines et ils se désavouent de la religion des mushrikines et de leur kufr et de leur shirk et de leur croyance. Yuzhir dinahu, il montre sa religion, c'est-à-dire il montre son tawhid, il montre sa foi en la ilaha illallah, il se désavoue du shirk, hein? C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'est-ce que ces gens-là ont pensé ou imaginé dans leur esprit, hein? Et donc ça c'est la fin de la citation. Après le cheikh dit Fanzur, en note de bas de page, il y a d'autres narrations de d'autres hadiths dans le même sens que celui-là. Hein? Par exemple, un autre hadith qui est rapporté selon Muawiyah ibn Haydah, il a dit La yaqbalu Allahu min mushrikin amalan ba'dama aslama aw yufariq al-mushrikin, rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. C'est-à-dire que Allah n'accepte pas d'un mushrik aucune action après qu'il se soit converti à l'islam ou qu'il se sépare des mushrikins. Hein? Ou qu'il se sépare des mushrikins. Donc ça veut dire que le musulman, celui qui s'est converti à l'islam et qui était dans les pays non musulmans, il doit faire la hijra et aller vivre dans les pays musulmans. Hein? Et Allah ne va pas accepter ses actions tant qu'il n'a pas quitté les mushrikines pour aller vivre dans les pays musulmans. Et bien entendu, ces hadiths-là, on les prend pas les hadiths comme ça tout seul. On prend pas la façon d'Ahl Sunnah wal Jama'a pour comprendre les hadiths. C'est pas de comprendre un hadith tout seul, tu le laisses comme s'il était indépendant des autres. Tous les hadiths se complètent. Les hadiths, quand ils sont tous à propos d'un sujet, on les met ensemble pour les comprendre. Et ils se complètent les uns les autres. C'est pas tu prends un hadith tout seul, puis tu laisses le reste. Tu laisses les versets, tu laisses les hadiths qui le clarifient. Les ulama d'Ahl Sunnah, alhamdoulilah, quand ils prennent ces hadiths-là, ils les prennent et ils les ramènent ensemble pour les comprendre. pas comme les khawarij, hein, qui prennent un hadith tout seul puis qui se basent sur ce hadith-là pour écraser et déclarer les musulmans kuffar. Ça, c'est des ignorants qui agissent comme ça. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ces hadiths-là, c'est selon les conditions qui ont été mentionnées et les explications qui ont été mentionnées par les ulama. Ça fait partie de la menace. Hein? Et que les musulmans qui ont la capacité de s'en aller, qui peuvent, qui restent parmi les mouchriquines, alors qu'ils ne peuvent pas appliquer leur religion et montrer ouvertement leur religion, c'est eux qui rentrent dans cette catégorie-là. Hein? Mais celui qui n'a pas la capacité ou qui ne peut pas pratiquer ouvertement sa religion ou des choses de ce genre, eh bien, c'est lui qui rentre dans cette menace-là et il doit, celui qui n'a pas la capacité ou qui ne peut pas faire la hijra, celui-là, il n'est pas dans cette. Ce hadith-là ne s'applique pas à lui. Dans le sens qu'il ne peut pas faire la hijra, ce n'est pas sa faute. Hein? Mais s'il a la capacité, qu'il ne peut pas appliquer sa religion ouvertement, montrer sa religion, et que malgré tout, il préfère vivre chez les mouchriquins, eh bien là, dans ce cas-là, hein, il est dans le péché, hein, et il doit s'en aller. Il doit faire des efforts pour quitter et aller vivre dans un pays musulman, s'il a la capacité. Et il y a d'autres hadiths comme ça, d'autres narrations. Il y a d'autres hadiths qui supportent cette signification-là. Et ça, c'est des hadiths, malheureusement, il y en a qui... qui ne mentionne jamais. Ils ne mentionnent jamais parce que c'est en opposition avec leur da'wa. Comme par exemple les ikhwan, par exemple les tablir. Ils mentionnent jamais ce genre de hadith, hein, et ils incitent jamais les musulmans convertis ou même les musulmans qui sont venus vivre chez les kuffars de quitter et d'aller vivre chez les musulmans. Hein, malheureusement. Le cheikh il dit ensuite. هنا. فانظر وفقك الله إلى قوله في هذه العبارة وكون المشركين يعدونه منهم يتبين لك أن هذا هو الذي أوجب كفره وأما مجرد الاجتماع معهم في المنزل فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنا معكم فهذا هو الذي أوجب كفرهم لا مجرد المخالطة. Donc le cheikh l'explique. Il dit, regarde, que Allah te donne le succès, à la parole de l'imam, le cheikh Sulaiman ibn Abdullah al-Sheikh, lorsqu'il a dit dans l'explication du hadith, l'explication de l'expression, le fait qu'il soit avec les mouchriquines et que les mouchriquines le considèrent comme un des leurs. On voit maintenant ici que c'est ça en réalité qui a fait rendre obligatoire leur mécréance et qui a nécessité exiger leur mécréance. Mais le simple fait d'être avec eux dans la même place, c'est pas, ça ne veut pas dire que ils sont des koufars. Et le cheikh il dit, et si ça s'est appliqué, c'est-à-dire s'ils sont avec eux à la même place sans montrer leur religion, dans ce cas-là c'est un péché, hein? C'est un péché. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, il cite ensuite les paroles de Ibn Kathir. Et Ibn Kathir, il dit dans Tafsir al-Qur'an al-Azim, l'explication du verset 144 dans Sourate An-Nisa, il dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les mécréants comme alliés en dehors des croyants. C'est-à-dire d'être avec eux dans la réalité. D'être avec eux en réalité. Vous les aimez, hein, et vous leur montrez en secret de l'amour. Et vous leur dites, lorsque vous êtes seul avec eux, nous sommes avec vous. Hein, donc ça c'est celui, l'imam Ibn Kathir le dit, ça c'est celui dont la mécréance, leur mécréance est, hein, et, nécessaire. Le fait de croire que ces gens-là sont mécréants, et ce n'est pas uniquement le fait de se mélanger avec eux. Donc, qu'est-ce qui nécessite leur mécréance? C'est le fait qu'ils disent « nous sommes avec vous » et qu'ils se mélangent avec eux dans le sens que ils leur disent en secret qu'ils les aiment, ils sont d'accord avec eux, ils sont avec eux. Hein? C'est ça qui a nécessité le fait qu'ils soient mécréants. Non pas seulement de se mélanger avec eux et d'être, de les côtoyer ou de les fréquenter. Ça, c'est la parole de l'imam Ibn Kathir qui clarifie cette parole-là. Le Cheikh il dit: فأنتم وفقكم الله الواجب عليكم التبصر وأخذ العلم عن أهله وأما أخذكم العلم من مجرد أفهمكم أو من الكتب فهذا غير نافع لأن العلم لا يلتقى لا يتلقى إلا من مضانه وأهله قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh il termine, cheikh les deux cheikhs de qui on est en train de citer, donc c'est le cheikh Abdul le Cheikh Hamad, Cheikh, à la base c'était le Cheikh Abdul Aziz Al-Anqari. Non. Donc qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit donc que Allah vous donne le succès. Qu'est-ce qui est obligatoire pour vous? C'est de rechercher la compréhension et de prendre la science des hommes de science. Mais de uniquement prendre la science de votre propre compréhension ou des livres, tu prends la science juste des livres, comme c'est le cas, Allah Musta'an, de la part de certains jeunes prêcheurs, de certains jeunes qui essaient d'apprendre la science, qui se basent juste sur les livres, ils lisent des livres, Allah Musta'an, donc il dit ça, c'est pas bénéfique. Cheikh, il dit ça, c'est pas bénéfique. Hein? Et même Cheikh Al-Fawzan, il a dit à ce sujet-là, il dit même que ça peut être dangereux même. Hein? Il dit, c'est pas bénéfique. Il dit parce que la science, elle se prend que de ceux qui sont les hommes de science et de ceux chez qui on connaît qu'ils sont des gens de science, de ceux de qui on pense que ce sont des ulama, pas de n'importe qui. On ne prend pas la science des livres. Les livres, c'est bénéfique, mais ce n'est pas suffisant pour prendre la science. Parce que dans les livres, il y a des paroles, il y a des choses, des fois, qui ne sont pas détaillées. Ou il y a des choses même qui sont incorrectes. Des fois, dans les livres, il y a des erreurs. Et si quelqu'un n'a pas étudié avec les ulama, il va prendre ce qu'il voit dans les livres tel quel. Et il risque de se tromper et de s'égarer à cause de ça. Et en particulier lorsque quelqu'un il n'a pas de base, il n'a pas de principe, il n'a pas étudié les principes avec les ulama. Donc le cheikh il dit ensuite qala ta'ala fas'alu ahla dhikri. Il mentionne le verset 43 dans sourate An-Nahl dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit demandez aux gens de science, aux gens du ilm, ahla dhikri, si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, demandez aux ulama. Dans un autre verset, il mentionne la parole lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et s'il l'avait ramené aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ceux qui savent comment extraire les informations et les significations d'entre eux auraient su sa signification. » Donc, c'est-à-dire de ramener les questions, les problèmes et les différents problèmes et sujets et divergences aux messagers d'Allah, c'est-à-dire à la sunna et à ceux qui détiennent le commandement parmi les ulama. C'est à eux qu'on doit revenir pour clarifier les choses lorsqu'on a besoin de clarification. Et il mentionne le verset aussi 59. et le verset 83 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera pour vous meilleur et d'une meilleure conclusion. Et il mentionne ensuite les paroles du Cheikh Al-Allama, Cheikh Ibn Sahman, Sulayman Ibn Sahman. Et Sulayman Ibn Sahman fait partie des ulama de la da'wa, Al-Najdiya. Et il fait partie des ulama qui ont écrit justement beaucoup de réfutations contre les gens de bid'ah et contre les égarés. Et même il a réfuté les khawarij à son époque, les extrémistes hein, qui faisaient le takfir comme ça. Et il dit, قال العلامة ابن سحمان في رده على غلاة نزلوا كلاما لإمام الدعوة قاله في قوم مشركين ليس معهم من الإسلام شيء على أعراب ملتزمين بشعائر الإسلام الظاهر لا يمكن لأحد يوم يؤمن بالله واليوم الآخر. Il dit, في رده على غلاة نزلوا كلاما لإمام الدعوة قاله في قوم المشركين ليس معهم من الإسلام شيء على أعراب ملتزمين بشعائر الإسلام الظاهرة لا يمكن لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمهم جميعهم بالكفر لأجل ما غلب على بعضهم من المكفرات والتلوث بكثير من المنكرات منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع. Donc le Cheikh Al-Allama Ibn Sahman, il a réfuté des extrémistes parmi cette catégorie hein, qui ont pris des paroles des imams de la da'wa hein, que l'imam avait dit, l'imam de la da'wa Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il avait dit à propos des mushrikines à son époque qui n'avaient rien de l'islam. Et ils ont pris cette parole que l'imam avait dit à leur sujet et ils l'ont appliquée à des bédouins qui s'accrochent au principe de l'islam apparent. Et il n'est pas possible à quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier de généraliser hein, que tous ces bédouins-là sont sur le kufr à cause de yani, quelques péchés choses qui ont été faites par certains d'entre eux. Hein? Parce qu'on a vu apparaître sur certains d'entre eux des actes de kufr ou bien certains péchés hein, que certains d'entre eux ont commis. Donc eux, ils ont pris ça, ils ont pris les paroles du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab qui étaient appliquées sur des gens et ils l'appliquent à d'autres, alors qu'il y a une grande différence entre les deux. Les premiers, ils n'avaient rien avec l'islam, ils faisaient le shirk, ils ne faisaient rien de l'islam. Et les autres, ils pratiquaient les signes et les principes de l'islam apparents. Sauf qu'il y a certains d'entre eux qui ont fait des péchés. Eux, ils appliquent le verdict sur tous, sans exception, de façon générale. Donc, le Cheikh Sulayman, dans son livre, يعني Sulayman bin Sahman, dans son livre Minhaj Ahl al-Haq wal Ittiba fi Mukhalafat Ahl al-Jahl wal Ibtida, il les a réfutés. Il a dit: فيقال لهؤلاء الجهلة الصعافقة الحمقى الذين لا علم لهم ولا معرفة لديهم ولا معرفة لديهم بحقائق الأمور ومدارك الأحكام الذين يقرؤون على الناس كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهم لا يفهمون مواقع الخطاب وتوقيع الأمور على ما هي عليه حيث يقول قائلهم نعم هذا قول الشيخ في البدو والمشيخ اليوم يقولون ويقولون. Donc le Cheikh dit فيقال لهم إن كلام الشيخ الذي تقرؤونه على الناس في قوم كفار ليس معهم من الإسلام شيء وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام ويلتزموا شرائعه وينقادوا لأوامره وينزجروا عن زواجره ونواهيه أما بعد دخولهم في الإسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من هو أضل من حمار أهله وأقلهم دينا وورعا ومقالته هذه أخبث من مقالة الخوارج الذين يكفرون بالذنب وهؤلاء يكفرونهم بمحض الإسلام. Donc le Cheikh il répond يعني الشيخ سليمان بن سحمان يعني il était dur avec les mubtadi'a et ça c'est une de ses qualités hein, quand on dit d'un alim qu'il était dur avec les mubtadi'a c'est une éloge qu'on lui fait hein, parce que c'est comme ça qu'il faut être et c'est comme ça que nos salaf étaient avec les mubtadi'a donc il dit on dit à ceux-là ces ignorants hein يعني الصعافقة je pourrais pas traduire cette expression mais al-hamqa yani ils les appellent comme des idiots hein ces imbéciles hein donc le cheikh c'est comme ça qu'il leur parle hein donc des fois on utilise ces termes là des gens aujourd'hui à notre époque quand on décrit des égarés comme eux yani ils se fâchent si on utilise ce genre de langage parfois mais c'est des fois le langage qu'il faut utiliser dans certains contextes lorsqu'on réfute certaines catégories de personnes yani d'utiliser cette dureté là et ça fait partie yani de la méthodologie des salaf et également de yani de nos imams et de nos ulama lorsqu'ils réfutent ces gens-là donc on voit cet exemple là ici il dit donc on dit à ces gens-là ces ignorants ces imbéciles qui n'ont aucune science hein ils n'ont aucune connaissance des réalités hein des choses et de la compréhension des règles de l'islam. Ceux qui lisent des paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab aux gens, alors qu'ils ne comprennent même pas la réalité du discours hein, et la réalité des choses telles qu'elles sont. Alors ils disent, hein, il dit aux gens, oui, ça c'est la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à propos des bédouins, et les mashaykhs aujourd'hui disent telle et telle chose. Donc vous voyez que là qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer ici, il dit regardez, les shuyukh aujourd'hui, ils disent aux gens des choses, mais le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il avait dit à son époque à propos des bédouins telle et telle chose. Donc il essaie de faire comprendre aux gens que les shuyukh, les ulama de son époque ou de leur époque contredisait l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Hein, ils essaient de faire montrer qu'il y a une contradiction entre les ulama d'aujourd'hui, ou de l'époque du Cheikh Sulaiman ibn Sihman, avec qu'est-ce que l'imam avait dit auparavant à propos des bédouins. Donc, le Cheikh Sulaiman ibn Sihman, il leur répond et il dit, on dit à ces gens-là, la parole que vous êtes en train de lire, la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab que vous êtes en train de lire aux gens, ça concernait des gens qui étaient des koufars. Hein, ils n'avaient rien de l'islam avec eux. Et ça, c'était avant qu'ils rentrent dans l'islam et qu'ils commencent à pratiquer les principes de l'islam et qu'ils se soumettent à ses ordres et qu'ils cessent de faire qu'est-ce qui a été interdit par l'islam. Mais après qu'ils soient entrés dans l'islam, on ne va pas dire ce genre de choses-là à leur sujet. Et personne ne dira ce genre de choses à leur sujet, excepté celui qui est plus égaré que l'âne de sa famille, et qui a le moins de religion et de piété. Il dit, cette parole qu'ils ont dite, elle est plus sale et plus laide que la parole des Khawarij à l'époque qui faisaient le takfir des gens pour des péchés. Parce que eux les ont déclarés koufars pour leur islam. C'est encore pire, hein. Ils ne les déclarent pas koufar pour des péchés, mais par rapport à leur islam, c'est encore plus grave. Et il dit, Amma alima haoula al-masakin anna l'islam yajubu ma qablahu wa anna l'hijra tahdimu ma qablaha binassi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là, ces gens-là n'ont-ils pas su, ces pauvres, ces miskines, ces misérables, n'ont-ils pas su que l'islam efface ce qui était auparavant et que la hijra elle efface également et détruit ce qu'il y avait auparavant comme péché avec les textes et la preuve des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est mentionné dans les hadiths. Amma qawluhu al-mashaykh al-yawm yaqulun wa yaqulun فالجواب أن نقول نعم المشايخ اليوم يقولون لا نكفر من ظاهره الإسلام ولا يطلقون الكفر على جميع أهل البادية الذين هم بين أظهر أهل الإسلام وإنما يقولون من قام به وصف الكفر منهم فهو كافر كمن يعبد غير الله ويشرك به أحدا من المخلوقين أو يتحاكم إلى الطاغوت ويرى أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم الله ورسوله أو يستهزئ بدين الله ورسوله أو ينكر البعث فمن قام به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها ممن يخرج من الملة في بادية أو حاضرة فهو كافر. Donc le cheikh il dit كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء رحمهم الله وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة. انتهى كلامه. Donc on va terminer la clarification. Qu'est-ce que le cheikh il a dit? Il a dit, en ce qui concerne leurs paroles, les chouyoukh aujourd'hui disent telle chose et telle chose, c'est-à-dire le cheikh il disait ça à l'époque et aujourd'hui les chouyoukh ils disent telle chose et telle chose, pour montrer qu'ils pensent qu'il y a une différence entre qu'est-ce que les chouyoukh aujourd'hui disent et qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab disait à l'époque. Le cheikh il répond, il dit, oui, les mashaykhs aujourd'hui ils disent, on ne déclare pas mécréant celui dont son apparence c'est l'islam. Et ils ne disent pas à propos des gens qui habitent dans le désert, les gens les bédouins, on ne disent pas si ils vivent parmi les gens de l'islam que tous ces gens-là sont dans le kufr. On ne va pas appliquer le kufr sur eux. Ils disent uniquement, les savants de l'époque disent uniquement, c'est-à-dire de l'époque du cheikh, et avant et après aussi, c'est la même chose, ils disent que on va uniquement déclarer ou qualifier comme étant sur le kufr celui d'entre eux qui est kafir. C'est-à-dire celui, par exemple, qui parmi eux adore autre que Allah, ou bien qui l'associe, yani dans l'adoration, d'autres créatures, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui retourne au jugement du tarot ou des tawarit. C'est-à-dire qu'ils les voient comme étant, comme ils voient leur jugement comme étant meilleur, plus bon que le jugement d'Allah et de son messager. Ou bien ils se moquent de la religion d'Allah et de son messager. Ou ils rejettent la résurrection. Celui qui a cette caractéristique-là, c'est celui-là que nous déclarons. Celui qui a cette caractéristique-là, parmi les éléments qu'on vient de mentionner qui font partie de ce qui fait tomber dans le coffre, ou d'autres, ce sont ces choses-là qui font sortir de l'islam, que ce soit chez les bédouins ou chez les gens des villes, chez les gens de la campagne ou de la brousse ou du désert, ou les gens des villes. Celui qui a ces caractéristiques-là, il est mécréant. Comme l'a mentionné le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres parmi les ulama, et c'est cela que nous avons établi pour nous-mêmes comme religion, et c'est par ça qu'on adore Allah. Pour toute personne, que ce soit des gens qui sont parmi les bédouins ou les gens de la ville, c'est la même chose. Donc c'est comme ça qu'on applique, et c'est comme ça que les ulama ont compris les principes et qu'ils les appliquent. Donc ça c'est la fin de la citation. Ensuite, le cheikh il a cité une longue citation qui fait environ presque trois pages. Il cite les paroles du cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan al-Sheikh dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 8 à la page 369. Et il dit ici « Mu'akkidan ala adam al-ta'alluq bi ba'd al-alfaz al-mutlaqa lil-ulama » ومعرفة مواقع الخطاب التي قالوه فيها. C'est-à-dire qu'il faut, le cheikh Abdul Latif ici, il confirme qu'on ne doit pas s'accrocher à certaines des paroles générales de certains ulama et savoir, comprendre, la place de chaque chose lorsqu'elle a été mentionnée et à quel sujet ou au sujet de qui ces paroles-là ont été mentionnées. Quand il s'agit des questions de wala ou al-bara ou des choses comme ça. C'est-à-dire on ne doit pas prendre les paroles des savants de façon absolue. Il faut retourner à nos principes quand on prend les paroles des ulama et en même temps aussi savoir chaque chose dans quel contexte elle a été dite et pour qui. Et donc, ici, je ne vais pas lire toute la citation parce que c'est trop long et il y a beaucoup de détails. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai donné en référence, c'est le volume 8 à la page 369 dans Ad-Durar As-Saniya, pour ceux qui veulent retourner, si vous pouvez. Et en même temps, juste pour vous mentionner les points importants donc, de cette citation-là, qu'est-ce que le Cheikh a mis en gras? Qu'est-ce que le Cheikh a mentionné en gras? Et donc il dit وَالرَّجُلْ إِنْ صَدَرَ مِنْهُ بَعْدَ الْخَطَى فِي التَّعْبِيرِ. Il dit qu'un homme, lorsqu'il dit certaines choses, il s'exprime et parfois il a certaines erreurs hein, qui proviennent de lui dans sa façon de s'exprimer dans certaines questions. Hein, donc, dans le sens que c'est possible que parfois, dans certaines paroles des ulama aussi, quand ils parlent d'un sujet, qu'il y ait certaines erreurs dans leur façon de s'exprimer. Donc, il ne faut pas prendre les paroles des fois de certains de façon absolue. Et c'est pour ça que quand il y a divergence, on ramène les paroles hein, de quiconque, on la ramène à Allah et à son messager. Et il y a un autre point aussi qu'il mentionne. Il dit, وَصَرِيحُ عِبَارَةِ الشَّيْخِ حَمَدَ الَّتِي رَأَيْنَا لَيْسَتْ فِي الْاِسْتِعَانَةِ خَاصَ بَلْ فِي تَسْلِيمِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَظُهُورِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ. Donc le cheikh il explique que la parole du cheikh Hamad ibn Atiq à l'époque, hein, qu'est-ce qu'elle dit de façon explicite, comme on l'a vu, ce n'est pas particulier au fait de prendre de l'aide des kuffars et des mushrikin, mais c'est de leur remettre hein, les pays musulmans, c'est comme si de leur donner le pouvoir, de leur laisser. Hein, le pouvoir, de les aider à avoir le pouvoir sur les pays musulmans. De donner le pouvoir des pays musulmans aux mushrikines et de donner la précédence à l'adoration des idoles et l'adoration des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, de donner à ça le dessus sur le tawhid. C'est ça dont le cheikh parlait. Il ne parlait pas seulement hein, le fait de prendre l'aide des mushrikin et des kuffars, puisqu'on a parlé de ça déjà dans les cours précédents et on a expliqué les règles et on a expliqué que c'est pas interdit de façon absolue. Hein? Donc ça c'est très important de comprendre ça. Donc des fois tu vois des paroles des ulama, les shuyukhs, ils parlent d'un sujet et ils clarifient des choses, mais que c'est pas juste spécifique à une question seulement, il y a d'autres détails ou d'autres éléments qui sont reliés et parfois tu vas voir que des khawarij ou des takfirines vont prendre cette parole-là pour l'appliquer à une chose sans prendre en considération les autres éléments qui sont reliés à la question que le cheikh a mentionnée qui sont importantes dans le sujet, mais eux ils les mettent de côté et ils l'appliquent juste à une chose alors que c'était pas quelque chose qui était uniquement la question centrale. Il y avait d'autres choses qui étaient reliées à ça, mais ils l'utilisent juste pour parce que ça défend leur point de vue, sans tenir compte de la différence entre les deux significations. Ça, c'est un autre exemple. Puis, on va s'arrêter avec cette dernière citation du Cheikh Abdul Latif, qu'on a déjà lu, mais que c'est une répétition que le Cheikh a mentionnée, juste pour ajouter plus de compréhension. Puis, le point, c'est, il dit, « قال الشيخ عبد اللطيف أيضا ردا على من سلك مسلك الخوارج فنزل آيات نزلت في الكفار على أهل الإسلام وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر على بعد ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر المعروف المذكور في هذه الآية الكريمة وفي قصة الصلح الحديبية وما طلب المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكفي في رد مفهومكم وضحد أباطيلكم. Donc le cheikh Abdel Latif, il dit, pour réfuter ceux qui ont suivi la voie des Khawarij à son époque, qui ont essayé d'appliquer des versets qui ont été appliqués, qui ont été révélés à propos des mouchriquins, et il essaie de les appliquer sur les gens de l'islam. Dans le volume 1 de Ad-Durar al-Saniya, la page 476, il dit, on nous a transmis que vous avez interprété la parole d'Allah dans le verset 26 dans Sourate Muhammad, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceci, parce que vous avez dit à ceux qui ont eu de l'aversion par rapport à ce que Allah a révélé, nous allons vous obéir dans une partie de l'affaire. Et vous avez pris cette parole-là pour l'appliquer sur qu'est-ce qui se passe à notre époque, à propos des dirigeants actuels qui ont des échanges avec les dirigeants des koufars, des mouchriquins, et qui font des ententes de paix avec eux, avec certains dirigeants des égarés ou des rois des mouchriquins. Donc vous vous basez là-dessus, sur ce verset, pour faire leur takfir. Mais vous n'avez pas vu ce qui vient avant ce verset, qu'est-ce qui vient expliquer et clarifier, c'est-à-dire le verset 25 dans Sourate Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique qu'il s'agit des gens qui ont apostasié de l'islam, et non pas des musulmans. Et il dit إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى, c'est-à-dire ceux qui ont apostasié, qui sont revenus sur leur talon, qui sont revenus sur leur pas après qu'on leur a clarifié la guidance, et il dit vous n'avez pas non plus compris, qu'est-ce qu'on voulait dire par l'obéissance en question. سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ, on va vous obéir dans une partie de l'affaire. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'obéissance? Et fi ba'd al-amr, c'est quoi cette chose en question? Ça non plus, vous ne l'avez pas expliqué. Qu'est-ce qui est mentionné dans ce verset? Et il dit, c'est à propos de al-sulh al-hudaybiyya. Et ce que les mouchriquins ont mentionné et ont demandé comme condition, et ce que le messager d'Allah leur a répondu, de ce qui est suffisant pour réfuter, ça, tout ça c'est suffisant pour réfuter vos fausses compréhensions et pour détruire vos faussetés. C'est-à-dire, retournez au tafsir réel du Coran et vous allez voir que ça, qu'est-ce que vous avez mentionné comme élément dans ce verset-là, ça ne s'applique pas aux dirigeants, et vous ne pouvez pas vous basez là-dessus pour faire le takfir. Au contraire, regardez qu'est-ce que veut dire l'obéissance en question. Regardez de quelle affaire on parle. Regardez l'histoire de Al-Hudaybiyya et les conditions qui ont été mentionnées par les mouchriquins et qu'est-ce qu'ils ont ramené comme condition. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a accepté. Et ça, c'est suffisant pour vous réfuter dans vos paroles et dans votre compréhension qui est fausse. Donc, ça, c'est ce qui vient conclure donc la fin de ce point, de ce chapitre numéro 7, à propos de les différentes catégories de déviation et les causes de ces déviations-là chez les gens qui ont dévié dans la question de Al-Wala ou Al-Bara. Et donc ça clarifie en fait l'erreur, d'où est-ce qu'elle vient. Et donc tu vois une catégorie de jeunes qui ont justement tous ces références, les mêmes références, et qui ont tous de l'extrémisme et de l'égarement dans le takfir, et ils tombent dans ce takfir à cause de ça, à cause de leur mauvaise compréhension des paroles des ulama, et de prendre les paroles des ulama de façon absolue. Et parfois tu les vois comme ils vont parler des musulmans de la même manière que si c'était des koufars, de la même manière que si c'était des koufars, et ils les comparent même à des koufars asliyin, ils ne font pas la distinction entre les musulmans et les koufars asliyin, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choubouhat, et c'est pour ça que je vous dis, yani, apprenez bien comme il faut votre religion avec les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, étudiez votre aqida avec les ulama qui sont reconnus et les gens qui sont reconnus pour prendre leur aqida des salaf al-salih et qui s'accrochent fermement à ça, parce que yani, sinon yani, c'est facile de se dévier et de s'égarer, hein? Et lorsque, par exemple, vous apprenez vos principes, alhamdoulilah, accrochez-vous à ces principes-là et ne faites pas comme ceux qui, à chaque fois qu'ils apprennent quelque chose de la vérité, s'en vont voir des gens qui ont des déviations pour essayer de les débattre avec eux ou pour essayer de les convaincre. Hein? Comme il y a beaucoup de jeunes, parfois ils sont nouveaux, ils commencent à apprendre la aqida et commencent à apprendre le manhaj, et chaque fois qu'ils ont appris quelque chose, ils s'en vont voir des gens à eux, des amis à eux ou des gens qu'ils connaissent, hein, qui ont des fausses compréhensions ou des erreurs dans leur compréhension, et ils vont essayer de les convaincre ou de leur répéter ce qu'ils ont appris comme parmi les nouvelles choses. Et alors là, ils rentrent dans des discussions et des débats et des argumentations avec eux, parce que les personnes, eux, ils ont des choubouhat, hein, ils ont des erreurs et des ambiguïtés dans leur compréhension. Et donc là, ils commencent à rentrer dans des débats sur ces questions-là, et ils commencent à argumenter. Et souvent, les khawarij, c'est des gens qui recherchent plus l'attention. C'est des gens qui recherchent beaucoup l'attention des autres, et qui ont et en fait, ils ont des doutes dans leur religion. Donc, ils ont besoin de l'approbation des autres pour savoir qu'ils sont dans la vérité. Alors, ils veulent débattre pour montrer qu'ils sont forts, intelligents et qu'ils ont bien compris. Hein? Et c'est pour ça qu'ils veulent toujours essayer de débattre avec les gens. Donc, il ne faut pas débattre avec eux pour éviter justement de perdre notre temps. Ça, c'est de un, parce que le temps, c'est précieux. Deuxièmement, parce que la vérité est dans le Coran, dans la Sunna et dans la parole des salafs. Donc, on sait que en dehors de ça, il n'y a pas de vérité. Hein? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la vérité excepté l'égarement? Rien. Donc tu risques de t'égarer, parce que lui il veut te faire sortir de la vérité sur laquelle tu es, hein? Et tu n'as pas le niveau peut-être pour être capable de le réfuter, et tu n'as pas les connaissances nécessaires pour être capable de lui clarifier la vérité. Le pire de qu'est-ce qu'il risque d'arriver, c'est que tu commences à avoir des confusions dans ta compréhension, parce que tu n'as pas assez d'arguments ou d'éléments pour être capable de le convaincre, et à cause de ça tu termines la discussion avec des ambiguïtés et des doutes, et là après tu es obligé d'essayer d'appeler au téléphone pour essayer d'appeler les chouyouk ou d'appeler des frères qui ont étudié pour leur dire un tel il m'a dit ça, comment je dois lui répondre, qu'est-ce que je dois lui dire, hein? Alors que si tu n'étais pas rentré dans la discussion avec lui en partant, eh bien tu aurais été épargné de ces problèmes-là et tu n'aurais pas eu à commencer à chercher pour trouver des réponses pour chaque petite choubha que cet égaré-là va te lancer. Préserve ta religion, préserve ta aqida, préserve ton manhaj, écarte-toi de ces gens-là. Hein? Ils ne vont rien te donner de plus. Qu'est-ce qui est important pour toi, c'est de te concentrer sur la vérité, de l'étudier comme il faut, de la comprendre comme il faut, et de suivre la voie des salafs. Et c'est tout. Le reste, hein, tu t'en écartes. Hein? Le reste, tu t'en écartes complètement et tu te concentres sur toi et sur ta aqida à toi. Et qu'est-ce qui va t'arriver au jour de la résurrection, lorsque toi tu vas être devant Allah? C'est ta première responsabilité, c'est ça. C'est pas qu'est-ce qui va arriver à X ou à Y ou à Z, qu'est-ce qui va arriver à d'autres personnes. La première réalité, la première importance, c'est toi-même, qu'est-ce qui va t'arriver. Ensuite, ta famille, tes proches, hein? Ta femme, si t'as une femme, tes enfants, si t'as des enfants, et après tes parents et tes frères et sœurs, et ainsi de suite. Commence par ça, mais de vouloir aller débattre avec tout le monde et argumenter avec tout le monde et parler avec tout le monde de ces choses-là, non, ça c'est pas correct. Et c'est pas comme ça que les salafs faisaient. Hein? Les salafs détestaient débattre dans les questions de religion, et en particulier avec les gens de bid'ah, Hein? Et même parfois quand ils venaient, les gens de Bid'a venaient les voir pour argumenter avec eux ou débattre avec eux, eux ils disaient non, soit tu t'en vas ou moi je m'en vais, je veux pas t'écouter. Même que parfois ils mettaient même leurs doigts dans leurs oreilles pour pas les entendre et pas entendre leur shubuhat. Hein? Et parfois tu vois pourquoi, parce qu'une shubha elle est petite et insignifiante, mais pour la réfuter ça demande beaucoup d'explications et de rentrer dans des détails pour ramener toutes les choses à leur base pour être capable de le clarifier. Donc ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour rien. Hein? Donc dans ce cas-là, c'est pour éviter tout ça. Et il y en a maintenant, ils veulent faire des réfutations de ces gens-là, Allah musta'an. Hein? Alors que parfois certaines de leurs réfutations, c'est pas important de les réfuter eux, puisque c'est pas eux les têtes. C'est pas eux les têtes. Les têtes sont d'autres têtes qui ont déjà été réfutées par les ulama. Donc, alhamdulillah, revenez aux clarifications des ulama et aux réfutations des ulama. Les ulama les ont déjà réfutées depuis des siècles, ces shubuhat-là. Depuis des siècles, les imams des salafs ont écrit des livres pour les réfuter. Et pour que nous, on n'ait pas besoin de le faire. Hein? C'est toujours les mêmes shubuhat qu'ils ramènent à chaque fois. Retournez aux paroles des ulama, retournez aux réfutations des ulama et accrochez-vous aux paroles des ulama d'Ahl Sunnah et vous allez être épargné de ces shubuhat. Hein? Mais moi je vous dis, perdez pas votre temps, même que ce soit sur Facebook ou sur Twitter ou sur Internet, sur n'importe où. Depuis que vous les voyez ces gens-là, vous les bloquez. Vous essayez même pas de leur expliquer rien ou de défendre. Si vous voyez que la personne, elle argumente, elle veut défendre son idée, son point de vue qui est faux, rentrez pas. Ça prend pas, après une vingtaine de tweets, tu dis, ah, j'ai perdu mon temps. Non. Deux tweets, ça suffit. Tu vois que la personne, elle commence à acheter des chouettes, tu t'arrêtes, tu la bloques, c'est fini. Tu rentres pas avec ces genres de personnes-là. Du tout. Tu discutes même pas. Même si tu penses que tu dis, je vais lui parler, peut-être il va accepter le haq. Non. Hein? C'est des gens qui ne veulent pas accepter le haq. Déjà, ils sont convaincus de ce qu'ils font et ils veulent juste jeter des shubuhat et avoir l'occasion d'avoir tes oreilles pour pouvoir mettre leur poison dessus et faire en sorte que les autres écoutent et après ils retournent chez leurs amis et puis après ils regardent et ils disent, regarde comment je me suis moqué d'un salafi, regarde comment j'ai réfuté un salafi, regarde comment j'ai parlé avec un salafi, ils ne savaient plus quoi dire, ou des choses comme ça. Ce n'est pas des gens qui recherchent l'agrément d'Allah. C'est des gens qui recherchent juste un auditoire pour se faire entendre. Donc, ne leur donnez pas cet auditoire-là. Hein? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Nous, on explique ces paroles-là ici, et on lit ce livre. C'est pour avoir notre compréhension à nous, pour comprendre les choses comme il faut. Et après, c'est avec ça qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'on le lit. Pas pour aller faire des débats avec les gens. Ça, c'est très important, ça. Les salafs ont insisté là-dessus. Dans tous les livres des usul, des fondements d'Ahl Sunnah, l'imam Ahmed, l'imam Al-Barbahari, et tous les autres grands imams des salafs, ils ont dit, hein, Al-Khusumat fi d-din, Iyakum wal-Jadal, Iyakum wal-Khusumat fi d-din, hein, ne rentrez pas dans les débats, rentrez pas dans les argumentations, rentrez pas dans les disputes dans la religion, des choses comme ça. Ils insistent là-dessus. Fois après fois, c'est des fondements, ça. Ça, c'est des bases. Si tu comprends pas ça, ces bases-là, et si tu respectes pas ça, tu vas t'égarer. C'est garanti que tu vas t'égarer. Prends ça au sérieux parce que c'est très, très, très sérieux. Hein? Donc, on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدمان إن شاء الله pour le cours de الفتوى الحموية إن شاء الله